la mer. Ce poème homérique, au parfum d'Amérique, traîne dans son écume des tonneaux d'amertume. Des tonneaux d'amertume. Comme le rêve est grand aux yeux de l'émigrant, mais combien il s'abîme au tréfonds des abîmes. Comme le rêve est grand aux yeux de l'émigrant, mais combien il s'abîme au tréfonds des abîmes. La mer qui submerge notre âme a des relents de drame qui donnent un goût amer aux souvenirs d'hier. Aux souvenirs d'hier. Elle pique de son sel notre moindre étincelle d'amour en l'âme seule, tout ce qu'il y a de douceur. Elle pique de son sel notre moindre étincelle d'amour en l'âme seule, tout ce qu'il y a de douceur. La mer, mélancolie massive qui submerge nos rives, sera toujours amère aux rêveurs doux amers. Aux rêveurs doux amers. Elle saura s'installer en qui s'y laisse aller. Pourtant on se laisse aller à ses baisers salés. Elle saura s'installer en qui s'y laisse aller. Pourtant on se laisse aller à ses baisers salés.